Lettre 55e, Junia à Théophanie. Apamée, novembre 302. Ô chère et bien-aimée Théophanie, quelle multitude de sensations aussi étonnantes que variées ont saisi mon âme en recevant ta lettre. La frayeur, la joie, le doute même, furent les premières impressions que j'éprouvai en voyant l'écriture de l'ami que je croyais depuis longtemps ensevelie sous les ruines de Trachène. Mais lorsque les premières lignes eurent écarté toute incertitude, alors une reconnaissance profonde et des prières d'action de grâce au Père Céleste interrompirent un instant ma lecture, ainsi que les larmes de joie dont mes yeux étaient inondés. Ce Dieu tout bon, tout puissant, qui dirige tous les événements, tellement qu'un cheveu ne tombe pas à terre sans sa volonté, m'avait donc conservé Malarissa par un miracle. Tu sortais pour moi de la tombe, et mon cœur fut plein des plus doux sentiments. Je continuai ensuite à t'accompagner partout où ta destinée, ta conduite, à partager tout ce que tu as senti et souffert. Oui, mon ami, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Il a voulu te conduire au milieu des barbares et leur inspirer de l'amitié pour toi, pour préparer leur âme aux célestes vérités qu'Héliodore allait leur prêcher. Il a protégé ta vie et ton honneur, et t'a rendu enfin la liberté et ta patrie. Comme j'aurais aimé partager mon bonheur avec notre digne Théophon, mais il est plus heureux encore, son âme repose dans l'éternité. Souvent, ce saint homme allégeait le poids de ma douleur, en me disant combien tu avais mérité la félicité dont tu jouissais avant nous dans le sein de Dieu. « C'est moi, » me disait-il avec un doux sourire, « qui rejoindrai le premier, ma chère écolière. » Il est mort, le printemps passé. Il s'est endormi doucement au moment du réveil de la nature. Je le regrettais vivement pour moi, comme il arrive toujours quand on perd un objet aimé. C'est pour nous seuls que nous pleurons. Ceux qui quittent cette triste vie sont bien plus heureux que ceux qui restent. J'éprouvais la même chose à ton égard, chère Théophanie. Mes larmes ont coulé pendant 10 mois pour ma cruelle perte. Mais ce n'était pas sur toi que je pleurais. Tu avais eu si peu de bonheur pendant ton court pèlerinage. Je me lamentais sur moi-même, sur ton malheureux ami Agathoclès. Laisse-moi prononcer et écrire ce nom que tu as cherché à éviter avec tant de soin. Laisse-moi essayer de le justifier et de te rendre un peu de calme. Je ne suis pas content du tout de ce qui le regarde dans cette lettre, qui m'a fait d'ailleurs tant de plaisir. Agathoclès, ma chère amie, fut aussi persuadé de ta mort que moi. Tu verras les motifs de cette conviction et l'effet que produisit sur lui cette horrible catastrophe. Par une lettre de notre ami Apelles que je t'envoie. Elle fut écrite à Trachène au moment même de ton malheur. Lorsque tu l'auras lue, tu conviendras qu'Agathoclès ne pouvait conserver aucun espoir. Cette femme, couverte de blessures, entièrement défigurée, ayant tes vêtements, ton voile, quelques-uns de tes bijoux, étendus sans vie dans ta chambre et que tout le monde prie pour toi, était sans doute cette Mélite qui crut s'embellir en se parant ainsi et qui fut victime de sa vanité. Mais qui ne laissa aucun doute sur ta mort, puisque d'ailleurs, toutes les recherches furent inutiles. Qu'on ne découvrit aucune trace de toi, que les barbares n'avaient fait aucun prisonnier, et que les esclaves qui revinrent le lendemain dirent que tu leur avais déclaré que tu ne t'éloignais pas de la maison avant l'issue du combat. Il était donc tout naturel qu'Agathoclès cessât de te chercher sur une terre où tout lui disait que tu n'habitais plus. En voilà bien assez pour le disculper de l'accusation injuste d'indifférence pour ton sort. Comme tu sens toi-même que tu t'es rendu coupable d'une légère fausseté envers Héliodore en l'attirant à Saint-Iome, et que tu en as été si cruellement puni, je m'abstiens de tout reproche à cet égard. Mais je t'en ferai d'être si ingénieuse à te tourmenter toi-même, en prenant si fort au sérieux ce qui n'était sans doute qu'un simple badinage, où tu n'as su voir que trahison, perfidie, infidélité et malheur pour la vie. Je sais très positivement que c'est Sulpice seul qui habite à Saint-Iome, qu'Agathoclès lui a prêté cette demeure tranquille pour établir sa santé, que Calpurnie lui fait des visites là comme elle le ferait partout ailleurs. Tu vois donc que sa présence dans la villa d'Agathoclès ne signifie rien, et qu'elle t'en a fait les honneurs pour épargner de la peine à son ami malade. Il aurait été facile, au lieu de tout prendre au tragique, de t'assurer de la vérité par quelques questions adroites, si tu avais conservé la présence d'esprit nécessaire. Je ne veux point dire par là, cependant, que tu n'aies aucune raison d'être inquiète, car je suis persuadé, d'après des nouvelles que j'ai reçues de Nicomédie, que la belle Calpurnie a fait une profonde impression sur Agathoclès, que cette liaison qui prit naissance à Rome s'est continuée avec d'autant plus de force qu'il croyait avoir l'assurance positive que son premier attachement, qu'il avait retenu jusqu'alors, était dissous, en sorte qu'il se laissa aller sans scrupule au penchant qui l'entraînait vers la séduisante romaine. Lorsqu'il arriva comme messager de la victoire, elle lui donna une fête très significative, lui plaça de sa main une couronne sur le front et lui fit ainsi connaître d'une manière délicate les sentiments qu'il lui inspire. Tout cela est très vrai, et je ne blâme pas tes craintes, mais tu ne dois pas le juger aussi sévèrement. Les hommes ne savent pas aimer comme nous, ils ont d'autres sensations, d'autres devoirs. Le but de leur existence est de servir leur patrie et de se répandre au dehors. Le nôtre est d'élever nos enfants, de diriger notre maison. Nous dérangerions l'ordre de la nature si nous avions la prétention d'imiter leur activité. Crois donc qu'un homme absorbé par des travaux multipliés, occupé, soit dans les camps, soit dans les affaires importantes de l'État, comme Agathoclès l'est avec le prince Constantin, ne peut être, ainsi que nous, entièrement livré à ses regrets et à ses souvenirs. N'est-il pas naturel qu'il cherche quelque distraction dans les courts instants qu'il a de libre? La certitude de ta mort le mit presque au tombeau, mais, revenu de cette maladie, il a sans doute employé toutes les forces de son âme contre un malheur sans remède. Après que sa raison eut triomphé de sa douleur, les charmes tout-puissants de Calpurnie ont eu leur effet. Ils ont triomphé à leur tour de son cœur et de ses souvenirs. Peux-tu te faire un mérite d'avoir été plus fidèle, toi qui nourrissais l'espoir de le retrouver et qui ne fus distraite de ton sentiment par aucune séduction dangereuse? D'après ce que je viens de te dire, je ne puis nullement approuver ton plan de te séparer à jamais de lui et de ne pas vouloir démentir ta prétendue mort. N'est-il pas plus probable qu'un hasard peut découvrir ton secret? Quel chagrin affreux éprouverait ton ami s'il est libre, s'il t'aime encore, et s'il pouvait penser que ce n'est plus pour lui que tu reviens à la vie, que tu lui as caché ton existence? Et si c'était trop tard, si, t'aimant encore dans le fond de son cœur, mais convaincu qu'il n'aime qu'une ombre, il avait engagé sa liberté, quel serait son sort, le tien, et peut-être celui de sa compagne? Cette idée me fait trembler. Réfléchis là-dessus, cher ami, avant de poursuivre ton chemin. À quelque chose que tu te décides, tu peux compter sur moi. Je conserverai fidèlement ton secret, quoique je ne sois pas de ton avis, et que je désire ardemment te persuader des dangers qui peuvent résulter de ton caprice. Pardonne ma franchise, Théophanie. Tu marches sur un terrain raboteux et rapide, parce que tu ne suis pas la droite ligne de la vérité, et que tu vis dans la dissimulation. Prends garde d'être entraîné dans un précipice dont tu ne pourrais plus sortir, et d'y jeter aussi ton ami. Mais si tu persistes à être perdu pour lui, du moins, ne le sois pas pour moi, au moment où aucun devoir ne le prescrit. Viens, à Apamée auprès de ta fidèle Junia. Tu vivras solitaire et caché dans ma maison, comme dans la cellule d'un ermite. Viens donc, laisse-moi jouir des douceurs de ton amitié, dont je fus si longtemps privé. Tu sais combien je t'aime et combien je serai heureuse si tu acquiesces à ma prière. Adieu.